J'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Still.